appelle ça fuir pour éviter les tempêtes. Et les portes ouvertes qui ne peuvent retenir. Des pas qui s'éloignent, des pas dans la rue. Une ombre bien connue, seuls nos haines se joignent. Derrière toi, des yeux morts, des yeux mi-clos qui pleurent. Ne perçoivent qu'une lueur de soucis, d'ennuis, de remords. Et l'espace s'agrandit. Les gestes deviennent petits. Je me perds dans notre monde. Ce quotidien où glissent les secondes. Ce quotidien où glissent. Des yeux, plus de cœur. Quel lien résiste au coup, ce que donnent les fous contre le vent, contre leur peur. Aux visages qui s'aiment ne changent pas, deviennent les mêmes. Sous le piège de l'orgueil, la parole est piégée. Les dos tournés se moquent. Et les yeux fragiles se noient. Je me ferme quand vient ta voix. Ton cri qui me frôle. Nos voix qui résonnent et qui rétorquent. Et l'espace s'agrandit. Les gestes deviennent petits. Je me perds dans notre monde. Ce quotidien où glissent les secondes. Et secondes.